Cette semaine au Mathieu Plante Show. On vous présente une sélection de pièces de l'album Donkey Kong Country 3 Double the Trouble. Un album composé de remixes du jeu Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble. On peut pas faire plus pointu que ça comme émission spéciale et c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence maintenant. Voici celui qui dit que si vous aimez ça, vous êtes plate, hein? Dixie, c'est un personnage dans le jeu. Voici Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. On fait relâche de notre contenu habituel pour le reste de la session, mais nos réputées chroniques Television, le segment Geek CNX et Wow at Web seront de retour cet été. Normalement, l'émission commencerait en musique chiptune, c'est-à-dire de la musique inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Par contre, cette semaine, on y va un petit peu plus large en vous présentant des pièces inspirées par le célèbre jeu Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble. Double the Trouble est le titre de ce 36e album édité par le site Overclocked Remix. Celui-ci présente des réarrangements de la musique de la version originale de Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble, sortie sur Super Nintendo en 1996, et celle de la réédition Donkey Kong Country 3, sortie sur Game Boy Advance en 2005, qui comprenait une toute nouvelle trame sonore. La compilation comprend 77 chansons par une soixantaine d'artistes différents qui réimaginent les compositions originales de Evelyn Novakovic et David Wise dans une grande variété de styles. L'album a été majoritairement fait par les fans pour les fans, mais il contient aussi de nouveaux arrangements et des performances instrumentale par David Wise lui-même. On débute avec les trois pièces qui ouvrent le premier CD. Voici Cremisphere. Thank you. On vient d'entendre les trois pièces qui ouvrent le premier CD de la compilation Double the Trouble, Crimisphere. On a commencé avec Road to Double Trouble, Fanfare par Cody Weddell, Flexstyle, Emulator, Brandon Weddell. Ensuite, Let It Beat, Dixie Beat par Brandon Streeter featuring USA. Et finalement, Joe Elm, Crazy Calypso par 8-Bit Instrumental. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la compilation complète sur dkc3.ocremix.org. On continue avec les trois premières pièces du deuxième CD. Voici Crematoa. Thank you. C'était les trois pièces qui ouvrent le deuxième CD de cette divertissante compilation Double the Trouble, Crematoa. On a commencé avec Cremaspheric Pressure, Northern Cremasphere Crematoa Concerto par Halk, ensuite Wonderfall Cascade Capers par MV, et finalement Winter Frosty Frolics par G. Slicer. Donc, compilation Double Trouble qui rend hommage à la trame sonore du jeu Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble, sorti sur Super Nintendo en 96. On continue avec les trois premières pièces du troisième disque de 5, il s'appelle Nautilus. Les trois pièces qui ouvrent le troisième CD de Double the Trouble, Nautilus. On a commencé avec Nautilus Title Theme Game Boy Advance par Theophany. Ensuite, Treehouse Campfire Treetop Tumble Game Boy Advance par Level 99. Et finalement, Piña Cremada Northern Chromosphere Game Boy Advance par Hillian Lemon. Ça, c'est du pointu. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la compilation complète sur dkc3.ocremix.org. Au retour, on continue notre excursion musicale geek avec une deuxième partie de Double the Trouble. Vous écoutez MPS, le Mathieu Plante Show. Assez fou! Toujours Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, on vous présente des pièces inspirées par le célèbre jeu Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble, la compilation Double the Trouble, disponible sur dkc3.ocremix.org. On continue avec les trois premières pièces du quatrième CD, voici Pacifica. Thank you. Thank you. Pacifica est le quatrième disque sur 5 de l'excellente compilation Double Trouble, qui regroupe des artistes qui rendent hommage à la trame sonore du jeu DKC3 Dixie Kong Double Trouble. Tu vois, j'évite des mots. Sur Super Nintendo. On a commencé avec Undercurrent, Enchanted River, Game Boy Advance par Pot Hocket. Wow, très drôle celui-là. Aquatic Transformations, Water World, Game Boy Advance par Hulk featuring Level 99. Et finalement, Heart of the Cave, Cavern Caprice, Game Boy Advance par Roseau Vienne. Il nous reste un dernier disque à entendre, alors voici les trois premières pièces de ce CD nommé Bonus Time. C'était les trois pièces qui commencent le cinquième CD de l'hommage Double the Trouble. On a entendu Take the World Back, Northern Chromosphere par Acolyte, Jitterbug System Juggle Jitter par Flexstyle, et finalement Rocket Rave Rocket Run par Draconiator. Vous pouvez télécharger la compilation de 5 disques sur DKC3 Remix. Non. Vous pouvez télécharger la... Comment ça? Vous pouvez télécharger la compilation de 5 disques sur dkc3.ocremix.org. Les précédentes compilations Kong in Concert, Donkey Kong Country Arrangement Collaboration en 2004 et Hoverclock Remix Present Serious Monkey Business en 2010 sont disponibles en lien sur assemblagerequis.com. C'est ce qui termine notre émission du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pour la dernière émission de la saison mercredi prochain de 16h à 17h. On rappelle samedi à 15h. Consultez la programmation sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté.